Encore un gramme passé dans la feuille, de quoi me dégoûter. Le dernier tram est passé depuis des heures et je crois que je l'ai loupé. D'après certains, je perds du temps, c'est rare quand tu me croises. Alors qu'il est les rideaux de fer du centre n'attendent plus que moi. On a déjà perdu trop d'espoir, mais rien n'est fixé. Je tatoue la ville en chrome et noir, j'ai besoin d'exister. Je me suis souvent demandé pourquoi, mais je n'avais pas de réponse. J'ai foncé tout droit, je passais par les ronces. Tout est de ma faute, je m'acharne même. C'est l'avenir à le visage, crie les tox de la gare. C'est triste à voir, je te l'accorde. C'est à celui qui attrapera le mieux la corde. Marianne veut sa part, elle fracassera ta porte. Une fois les lèvres sur le terre, tout n'est pas si moche. Excédé, je mène ma vie comme une vulgaire fourmi de Babylone. L'espoir du dimanche glisse de partout, destiné à porter des sacs de ciment 8 heures par jour. Ici et là, je crois que ça dérape comme méga. Je ne suis qu'un dégât collatéral. J'ai loupé le dernier tram, c'est l'histoire de ma life. Je croise mon regard dans le miroir, rabat. Ouais. Ça me rend pas, je ne sais faire que ça. Non, je ne pense pas que ma daronne serait fière de moi. J'ai loupé le dernier tram, c'est l'histoire de ma life. Je croise mon regard dans le miroir, rabat. Ouais. Ça me rend pas, je ne sais faire que ça. Non, je ne pense pas que ma daronne serait fière de moi. Ça y est, je veux qu'on me paye content. Tout m'a l'air avide, un paradoxe où l'humain perd son temps pour gagner sa hive. J'ai la rage, mais y'a stade barrière. Je fais des choses à l'arrache et ça ne date pas d'hier. À l'école, je faisais pas mes devoirs, non, j'étais fait que déconner. Je me rappelle avoir tiré de latte avant le brevet des collèges. Attiré par l'autodestruction, à croire qu'on veut partir plus vite, j'ai pas notre déduction. Je tag mes 5 lettres, trop cramé, je rôde seul. Putain, j'ai taché ma veste, cause là, j'ai trop le seum. Heureusement, je l'ai payé 40 balles sur Vinted. Pas le temps de pleurer, faut que je me taille, je crois que je suis pisté derrière moi. Ces gars me suivent, ils sont genre 4 ou 5. Je comprends vite qu'ils ne me veulent pas du bien. Maudit revêt de sky, j'suis bourré, mauvais. À cette heure, s'il y a que le premier tram qui pourrait me sauver. J'ai loupé le dernier tram, c'est l'histoire de ma life. J'croise mon regard dans le miroir, rabat. Ouais. Ça me rend pas, je ne sais faire que ça. Non, je ne pense pas que ma daronne serait fière de moi. J'ai loupé le dernier tram, c'est l'histoire de ma life. J'croise mon regard dans le miroir, rabat. Ouais. Ça me rend pas, je ne sais faire que ça. Non, je ne pense pas que ma daronne serait fière de moi.